Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021. Nous sommes bien sûr en direct. Il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h comme tous les jours du lundi au jeudi. C'est Chris. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont Yasmina Benessala-Drevet de l'Esprit du Feutre à Deugneville qui est là pour nous parler de l'Esprit du Feutre et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Yasmina. Bonjour, merci pour votre invitation. Bah écoutez, je suis ravie de cette émission pour éclairer un peu le public sur le travail du feutre qui n'est pas, on va dire, courant en tout cas. C'est une technique oubliée, donc maintenant je la reprends pour justement mettre en lumière nos intérieurs. D'accord. Et donc... Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, bah écoutez, moi, je viens pas des Vosges, je viens de la région parisienne, où j'ai eu un parcours, on va dire, professionnel divers, diversifié même. J'ai débuté ma carrière dans un atelier de confection, donc dans l'habillement, dans l'industrie de l'habillement. Et puis j'ai changé de voie professionnelle, donc je suis revenue en études pour du secrétariat bureautique comptabilité où j'ai travaillé pendant quelques années et je me suis déplacée en région, on va dire de la région parisienne à la Champagne-Ardenne et depuis 15 ans je suis dans les Vosges, voilà. D'accord. Et donc, bien que nous allons en parler pendant toute cette heure d'émission, pouvez-vous présenter en quelques mots toujours ce qu'est l'Esprit du Feutre? Alors, l'Esprit du Feutre, c'est un atelier d'art textile où je conçois des objets pour la décoration avec de la laine de mouton mérinos et de la soie. D'accord. Donc, ce travail, ce procédé que je vais intégrer sur la matière laine sera avec de l'eau et du savon et des frottements. Voilà. D'accord. Et donc, comme vous venez de le dire, donc vous travaillez à l'Esprit du Feutre, mais quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait peut-être des études d'art ou pas du tout? Pas du tout, non, c'est un hasard, c'est par rapport, en fait je cherchais une matière qu'on puisse transformer, c'est-à-dire une matière brute. D'accord. Que l'on transforme. Donc moi j'ai déjà travaillé dans le bois, donc je recherchais quelque chose qui soit plus facile d'accès sans avoir passé par des machines spécifiques pour transformer, par exemple, pour le bois. La matière laine ne nécessite aucun matériau spécifique que ses mains, de l'eau et du savon. D'accord. Donc c'est mais vraiment un hasard, c'est-à-dire que j'ai vu un reportage télévisé sur un maître d'art. Et ça m'a questionné. Je me suis dit mais c'est extraordinaire quand même, de l'eau, du savon et des frottements ça s'intègre sans avoir un autre, il y a pas de piquage, il y a rien qui vient s'introduire dans ce matériau. Donc j'ai fait des essais qui ont été concluants et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé. C'est comme ça que je me suis lancée, quoi. D'accord. Vraiment il y a pas d'autre. J'ai pas fait d'études et de toute façon il n'y a pas de d'école d'apprentissage pour cette technique. Donc vous apprenez sur le tas, vous faites vos expériences, vous allez chez d'autres pour acquérir certaines techniques. Il faut vraiment rentrer dans la matière pour comprendre aussi. Et donc, du coup, quelqu'un qui pratique le feutre, ça s'appelle un feutrier ou une feutrière? C'est cela. Et depuis combien de temps, du coup, vous pratiquez ce métier de feutrière? Ça fait 12 ans. D'accord. Ok. Et l'Esprit du Feutre existe depuis? 12 ans. Ok. pareil. D'accord. Et donc, justement, donc vous avez fait vos propres expériences pour travailler le feutre, mais pourquoi avoir eu envie de créer une entreprise qui travaille justement le feutre? Et ici, on parle pas du feutre, le crayon, mais bien le feutre, la matière. La matière. Ben... je me suis dit, de toute façon, si j'exerce une activité professionnelle dans une matière, on va dire, inconnue, il faut nommer, il faut qu'on reconnaisse, on va dire, un emblème, quelque chose qui va marquer quand même la présence du feutre. Donc, pour ma part, il était hors de question que je fasse une activité, on va dire, légère. Il fallait vraiment que ça soit avec un nom, avec une marque. Donc, je l'ai appelé l'esprit du feutre, parce que pour moi, c'était vraiment... C'est une idée, quelque chose que l'on conçoit avec une volonté, et le feutre, ben voilà, la matière. Alors c'est vrai qu'on peut connoter ça avec le stylo, le feutre, pinceau, etc. Mais ce n'est pas le cas. C'est le même mot, mais c'est pas. C'est la même origine, mais ça n'a pas la même signification, on va dire, dans mon travail. D'accord. Et donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que chez l'esprit du feutre, l'art et le mouvement enveloppent nos espaces. C'est ça. En fait, je crée par rapport toujours à une idée ou par rapport à un thème que je choisis chaque année, mais il y aura toujours dans la création un mouvement. Parce D'accord. que on ne vit pas dans un cadre fermé, mais ouvert. Déjà, donc il faut lui donner, on va dire, une ampleur, un mouvement pour que la matière aussi se diffuse correctement, qu'on voit la texture envelopper justement le cadre qu'on aura décidé dans l'objet, quoi. D'accord. Et donc, vous créez des ambiances en feutre de laine et de soie, oui. D'où du coup le nom de votre entreprise. Mais quelle est la différence entre la laine et la soie, on va dire classique, et le feutre de laine et de soie? Alors, la laine, si on va comparer les deux choses, ce sont la laine et la soie sont deux fibres animales. D'accord. Et le feutre, c'est le terme. On va dire qui signifie que on a travaillé la laine avec une technique et il va devenir feutre, feutré, feutre. C'est pas comment dire. C'est grâce à cette technique que le terme sera le feutre, l'étoffe feutre. D'accord. Voilà. Et le feutrier en fait partie justement de cette action. Voilà. D'accord. Et donc vous signez, c'est mieux, des collections à thème où la nature et l'environnement sont omniprésents. Oui. Est-ce que du coup la nature et l'environnement sont deux choses importantes pour vous? Quelle est l'importance de la nature et l'environnement pour vous? Alors la nature, déjà, c'est on vit dans la nature, enfin, on est entouré. Son environnement, ce n'est pas que la maison, la route, l'agglomération. C'est aussi, dès qu'on sort de chez soi, on a un cadre qui peut être boisé, avec des paysages vallonnés. Donc, tout ça fait qu'on va passer d'un paysage à un autre. Donc, on est dans un environnement, on va dire, différent à chaque fois. D'accord. Moi, quand je vais travailler chaque année un thème, je choisis, on va dire, soit une phrase ou soit quelque chose qui va marquer et qui pourra me faire construire justement la collection que je décide de créer. Donc cette année, c'était le désert de pierre. Donc j'ai essayé de me documenter aussi bien en historique, en vidéo, pour rentrer dans ce terme-là, dans la pierre, c'est-à-dire géologiquement comment elle est constituée, pour essayer de lui redonner un sens dans mon feutre. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que du coup vous travaillez avec des matériaux éco-responsables qui respectent l'environnement? Ben, c'est ce que je demande aux fournisseurs, en tout cas, puisque moi je n'ai pas d'élevage de moutons, donc je vais acheter ma matière en Italie où elle aura une chaîne, on va dire, de transformation de A à Z. Elle va acheter sa toison qu'elle va transformer, qu'elle va nettoyer, qu'elle va transformer, qu'elle va carder et qu'elle va teinter. Donc il y aura toujours un tracé sur sa chaîne de transformation avec éco-responsabilité, aussi bien au niveau des teintures que du grammage de la laine, parce que quand j'achète ma fourniture, il faut que j'ai la même densité, la même couleur, pour pas avoir de problème, on va dire, ou d'intensité ou de dégorgement, ce qui est pas le cas. D'accord. Et également, vous parlez de collection nomade. Oui, parce que une collection, bon, c'est, on va dire, l'objectif pour moi, pour le thème, c'est-à-dire que je vais essayer de travailler le tableau, le coussin, l'objet déco qui va se déplacer, qui n'est pas figé. Il peut être dans une salle, dans une chambre, dans un couloir. Il se déplace. Il n'est pas. Il reste pas dans un cadre normé. D'accord. Ok. Donc nomade veut dire voilà qu'il va se déplacer. Il est pas. Il a une fonction, mais sa fonction peut être transportée dans d'autres lieux. D'accord. Donc d'où le nom nomade. D'où le nom nomade. Et je crois également savoir que vous êtes en perpétuelle évolution et recherche technique. Est-ce que c'est important pour vous renouveler presque sans cesse du coup? Bah oui, parce que comme ça nous fait évoluer aussi dans la technique, parce que sinon on serait toujours dans le même cadre professionnel et il y a pas d'intérêt. L'intérêt c'est vraiment de travailler la matière et de voir jusqu'où on peut aller avec cette matière. Et vraiment quand on a compris le geste, quand on peut vraiment la pousser et en même temps on évolue justement avec toutes ces contraintes mais avec le pouvoir qu'on a sur la matière, voilà. Mais donc vous ne voulez pas stagner du coup tout non, le temps? Non, il faut évoluer, il faut toujours aller le plus loin possible. Et ça c'est valable pour tous les domaines de la vie. Je pense aussi, oui, voilà. oui. Donc, il est 14h13 dans quelques secondes. Avant d'approfondir encore plus le sujet, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale que vous avez choisie et que nous écoutions le célèbre chanteur David Bowie avec son morceau intitulé Heroes, qu'on pourrait traduire en français par héros, tout simplement. Pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire, ce morceau est plutôt typé rock alternatif, on va dire. Il est sorti en 1977 et il est tiré de l'album intitulé Heroes, mais écrit avec des guillemets, de David Bowie, album sorti le vendredi 14 octobre 1977. Il s'agit d'ailleurs du 12e album studio du chanteur. Donc du coup, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici 3 minutes 30 à peu près. Donc à tout de suite sur Radio Game Ozo. Can swim. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogémozo.radio-website.com/partout-en-France. Il est 14h17 et vous venez d'écouter David Bowie avec son morceau Heroes. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Yasmina Benestala-Drevet de l'Esprit du Feutre qui est là pour nous parler justement de l'Esprit du Feutre et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Ça va, très bien, merci. Parfait. Donc, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Nos auditrices et auditeurs le savent. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Oh, ça fait... Pour moi, David Bowie m'accompagne depuis mon adolescence. D'accord. Donc vraiment, c'est... J'apprécie beaucoup, on va dire, tout son environnement musical. Enfin, voilà, c'est sa personne même. Il est, je trouve, formidable, quoi. Même s'il nous a quittés, voilà. Voilà, bah on profite de cette pause musicale pour saluer sa mémoire. Oui, ouais, vraiment. Donc nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc comme nous le disions avant cette pause musicale, vous êtes en perpétuelle évolution et recherche technique. Et donc vous repoussez les limites de la matière et revisiter un savoir-faire ancestral de feutrage à l'eau et au savon. Et donc comment vous y prenez-vous justement pour repousser les limites ? Eh ben, comment dire, déjà il faut que je sache où je vais, quel volume je veux construire, quel univers je souhaite mettre sur cette laine. Donc il faut que déjà l'idée première soit déjà en tête pour pouvoir avancer dans la technique. Donc la technique de base est simple, je veux dire ancestrale, je veux dire qu'elle existe depuis la nuit des temps, cette technique-là. C'est une technique où on va chevaucher la laine, on va la juxtaposer, puis on va recouvrir son étoffe, pas encore réalisée, mais on va dire en superficie. On va lui mettre de l'eau. Et ensuite on va savonner tout cet ensemble pour que la construction, le maillage se fasse. C'est important que l'on mette bien en place les fibres parce que grâce à elles, il n'y aura pas de trous ou de béances qui viendront s'interférer dans l'étoffe. Voilà, donc repousser les limites de la matière, ça veut dire que je vais être obligée de prendre d'autres techniques pour la faire évoluer, pour faire évoluer le volume. C'est-à-dire que pour un travail à plat, il n'y a pas de contrainte. Pour un volume, il faut déjà concevoir un moule pour travailler tout autour de cette matrice. Donc, je vais travailler tout autour de cette matrice, mais je vais, étirer aussi la matière. Plus je vais étirer, elle va se consolider. Plus je vais l'étirer, plus je vais remonter toute la forme, et je vais lui donner des mouvements, donc par torsion, c'est-à-dire que je vais tordre la matière. D'accord. Et du coup, ça donne une forme un petit peu... Ça donne une forme, on va dire, avec un mouvement, une torsade. Voilà. Donc, c'est vraiment le mouvement. Et pour rechercher le mouvement, il faut déjà avoir en main la technique de base. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et toujours en préparant cette émission, j'ai appris que vous y intégrez la technique du feutre Nuno avec un tissu de soie. Oui. Donc, quelle est cette technique ? Alors, cette technique, c'est un terme japonais. Nuno veut dire, signifie tissu en japonais. D'accord. La soie étant un tissu, sur la laine, elle va se texturer. C'est-à-dire que c'est en frottant la laine que la soie va s'intégrer. Hein, et pas le contraire. C'est-à-dire que c'est à chaque fois qu'il faudra... frotter la laine avec de l'eau et du savon pour que les différents matériaux, qu'ils soient laine ou qu'ils soient coton ou lin, s'intègrent. ce qui donnera aussi un relief, une texture différente par rapport à la laine qui est, on va dire, d'une surface assez plane. D'accord. Et donc, votre petit truc, on va dire, c'est que vous revisitez, comme nous le disions, du coup, ce savoir-faire ancestral, mais vous y ajoutez des procédés pour permettre une approche contemporaine et un rendu moderne en trois dimensions. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'allier technique ancestrale et approche contemporaine ? Non, je trouve que ça fait évoluer, justement. C'est une évolution normale, parce que si, bon, la technique ancestrale, si on veut ne faire qu'un tapis, très bien. Si on veut aller dans des choses un peu plus volumineuses ou avec des changements de mobile, en fait, quand, par exemple, je conçois une lampe, il faut savoir que c'est avec la matrice que je vais pouvoir faire ce volume. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi frapper, étirer, tordre, manipuler, presser la matière, et tout ça, tous ces mouvements et toutes ces pressions vont permettre à la matière d'avoir une mémoire de forme aussi. Mais c'est une évolution normale. Je veux dire, on utilise une technique ancestrale et puis on évolue avec ces procédés qu'on aura appliqués sur la laine. D'accord. Et donc, avec le feutre, qu'est-ce que vous fabriquez ? Quelles sont les différentes créations que vous faites ? Alors, je fais aussi bien du tableau, donc avec soit des paysages, soit quelque chose de complètement abstrait, des luminaires boules à poser ou des lampions à suspendre, des coussins, des petites comment on peut dire ça, des objets qui soient vases ou galets, donc creux ou pleins. Donc pareil, c'est encore du volume, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que là il va falloir que je trouve la technique adéquate pour que le volume, et que ce volume reste, on va dire, dans la matière. Qu'est-ce que je crée d'autre, des tentures. Voilà, les tentures, tableaux, c'est un peu le même, sauf qu'il n'y a pas une structure, c'est un panneau qui peut être accroché soit sur une baie vitrée ou une fenêtre. D'accord. Voilà. Ok. J'espère que ça ne s'entend pas trop pour nos auditrices et auditeurs. On a des problèmes de son ici dans le studio. Nous, on l'entend. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Là, je vais relancer la prochaine pause musicale. Je vais essayer de régler ce petit problème. Et donc, c'est une pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois. Et que j'avoue que je ne connaissais pas cette musique avant que vous me la proposiez. Il s'agit du morceau Sonata d'Amore. Voilà. Allez, je crois que c'est de l'italien, mais je la prononce à la française. De Jasser Hage Youssef avec Simone Kermes. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, c'est un morceau orchestral, voire un morceau d'opéra, chanté en italien. Et Simone Kermes, on va dire, est une soprano. Et Jasser Hage Youssef, est à la composition. Voilà. Donc, on écoute ce morceau. J'essaye de régler les problèmes de son pendant cette pause musicale. On se retrouve juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Du coup, vous êtes toujours en direct, il est 14h28 et vous nous écoutez sur le 107FM localement, sur notre application mobile et web Orange Radio, et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous êtes habitués désormais, vous venez d'écouter Jasser H. Youssef avec Simone Kerms avec leur musique intitulée Sonata d'Amore. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les Rue Mirmont, de Yasmina Benessala Drevet, de l'Esprit du Feutre, qui est là pour nous parler justement de l'Esprit du Feutre et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Très bon moment. À part les petits grésillements, oui. Ça part, ça revient, mais sinon, très bien. Moi, j'espère que il y aura des questions peut-être futures, peut-être par rapport à d'autres auditeurs ou même, on va dire, dans un public proche, en salon, expo, etc. Bien sûr. De toute façon, on parlera de toute votre future actualité un peu plus tard dans cette émission. Et donc, on va reprendre le cours de cette émission. Donc, je crois savoir que dans vos créations, vous fusionnez même différents matériaux. Alors, les différents matériaux, ce sera toujours des matériaux soit fibres animales et ou végétales. Donc animal, tout ce qui est laine de mouton, chèvre, alpaga, lapin, lama, voilà, tout poil d'animal peut être intégré avec la technique de feutrage à l'eau et au savon. Pour le végétal, ça sera quoi? Ça sera des fibres de lin, des fibres de coton, de l'ortie. Mmh. Voilà. Donc, mais c'est moins riche, on va dire, que la fibre animale. D'accord. Et donc, mais est-ce que du coup, vous pouvez travailler du coup avec toutes les fibres animales de tous les animaux qui existent, ou enfin les animaux à poil ou pas forcément? À poil en général. De toute façon, en plus, moi, j'utilise des longueurs. En fait, le mouton mérinos a un avantage, c'est qu'il peut avoir une fibre très très longue, et j'utilise l'extra fin, c'est-à-dire que sa fibre peut aller de 30 microns jusqu'à 15 microns. Et on parle de microns, c'est une épaisseur encore plus fine qu'un cheveu humain. D'accord. Voilà. Donc plus ça sera fin, plus ça sera long, on va dire, au niveau technique, mais au niveau rendu et souplesse, ça sera le meilleur. D'accord. Et donc justement, en parlant de technique, justement, ça va peut-être être un petit peu technique, mais on va essayer de simplifier un petit peu. Quelles sont les différentes techniques utilisées? Alors, la technique de feutrage à l'eau et au savon, comme j'expliquais au début, c'est-à-dire que on va placer sa laine, la juxtaposer, puis la couvrir, savonner et frotter. Donc, le nuno que je disais, c'est-à-dire qu'il faudra intégrer un tissu de soie avec la même technique. C'est-à-dire feutrer avec de l'eau et du savon, et par frottement, la laine va s'intégrer, elle va enserrer, on va dire, la matière. Après, moi j'utilise aussi la technique d'Ichibori. Là, c'est pour avoir un volume précis, c'est-à-dire que je vais enfermer dans mon étoffe déjà pré-feutrée un objet, une pierre, que je vais enserrer avec soit un cordon, soit avec un élastique, et en frappant la matière va garder cette excroissance. Et d'accord. Le creux qui aura été, en fait, quand je vais enlever mon caillou, il y aura un creux et le volume restera en surface. Donc, il faut trouver justement, on va dire, les différents procédés pour avoir des variantes sur l'étoffe. D'accord. Voilà. Donc je peux. Là, pour le moment, j'utilise trois techniques pour avoir des reliefs ou des volumes différents. Mmh. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres dans quelques temps, je ne sais pas. Bien sûr. Et donc, en fusionnant ces différents matériaux, vous pouvez obtenir de nouvelles nuances de couleurs. Alors oui, les nuances de couleurs, c'est-à-dire que je peux, avec plusieurs couleurs, déjà définir d'autres nuances. C'est-à-dire que je vais mélanger grossièrement, on va dire, plusieurs teintes de laine mérinos. Et je vais avoir une autre définition. Et cette définition va me permettre aussi d'avoir des fondus. Mmh. Me passer, par exemple, d'un bleu gris à un bleu plus nacré, plus blanc, etc. Donc, c'est à moi aussi de composer avec les matériaux, les différentes couleurs et les différentes textures pour donner, on va dire, un relief différent à chaque fois. Ou passer d'un, on va dire, d'un relief différent. Voilà. D'accord. Et donc, sur votre site internet www.lespritdufeutre.fr, on peut voir différentes de vos créations. Et du coup, les clientes et les clients, est-ce qu'ils ont droit à ces différentes créations ou est-ce que ce sont des créations, on va dire, des pièces uniques et sur commande? Alors, ce sont des pièces uniques. Je fais très peu de séries. Ça peut être des galets. Par exemple, là, je vais faire 4-5 galets. Mais c'est compliqué de faire, on va dire, de passer d'un tableau à un coussin à un galet avec le même environnement d'impression qu'on aura mis sur un objet. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on place ces différentes matières et couleurs, je le fais en pleine journée, donc pour être baigné de lumière, justement, pour avoir toutes les expressions et que je puisse les mettre en place correctement. On ne peut pas faire plusieurs fois la même expression. C'est-à-dire que on aura un champ d'action sur un tableau. Le lendemain, si on retravaille, on placera peut-être pas les mêmes impressions ou les mêmes couleurs aux endroits, même si on le souhaite, hein, parce que c'est notre œil, c'est la pose qui fera que même en prenant une photo, je n'aurai pas la même composition exacte. D'accord. Ce n'est pas des robots. Bien sûr. Voilà. Et donc les œuvres que les clientes et les clients peuvent vous commandez, c'est important du coup de préciser que elles sont produites 100% artisanalement, oui, de manière éco-responsable, mais vous les produisez dans une démarche que vous appelez slow design. Slow design veut dire c'est un temps qui n'est pas court. D'accord. Le slow design, c'est-à-dire que on va travailler dans une démarche longue. On peut pas l'artisan feutrier, il est pas en industrie. Hein, il n'a pas une machine qui va travailler à sa place. Hein. C'est vraiment ses mains, enfin on va dire sa tête, ses mains, qui produiront, on va dire, l'objet. Donc il faut un temps d'adaptation, un temps de création et un temps de réalisation de l'objet. Voilà, c'est la lenteur. On est plus dans la lenteur que dans la rapidité. Après, on peut aller plus vite pour des choses moins volumineuses, mais sinon, non, c'est vraiment le slow design, vraiment, veut dire que je vais être dans un temps de travail long, une lenteur. D'accord. Et bien sûr, pour parler du projet de chacune et de chacun, pour le concrétiser et le personnaliser, vous accueillez les clientes et les clients dans votre atelier. Oui, tout à fait. Donc, où se trouve exactement votre atelier, du coup? Alors, il se trouve à Dogneville. C'est un village qui juxtapose, qui est à côté d'Épinal. Donc, vraiment, il n'y a pas de difficulté à me trouver. Et moi, je me situe derrière l'église, dans un ancien corps de ferme qu'on a retapé. Et voilà, moi, j'ai mon atelier qui se trouve dans l'ancienne étable. D'accord. De toute façon, je mettrai toutes les informations utiles en podcast de cette émission demain dans la journée. Et donc, est-ce que vous diriez que le feutre est en quelque sorte une manière de vivre? Alors, une manière de vivre, je ne sais pas, mais en tout cas, de redonner la place de redonner la place à cette étoffe, de remettre l'objet feutre, peu importe l'environnement, qu'il soit moderne, plus classique, il a toute sa place et il vous redonnera, on va dire, un côté chaleureux. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, en tant que feutrière ou feutrier, j'imagine que tous nos sens sont en éveil, le toucher, la vue. Oui, tout à fait. Quand on travaille cette matière, il faut être concentré, c'est-à-dire que la vue, l'ouïe, le toucher, vous ne pouvez pas, même si vous regardez autre part, votre toucher, vous savez exactement où vous en êtes dans la fabrication de l'étoffe. Donc, oui, c'est important de comprendre avec tous ses sens où est l'activité feutre, où je suis présentement, où je me situe, j'ai encore besoin de travail, de continuer à forcer la matière, ou est-ce que ça y est, elle est bien finalisée et je peux arrêter le procédé. Parce que ça, encore une fois, c'est vraiment la personne qui pourra arrêter, on va dire, le procédé technique, qui dira hop, stop, j'arrête, c'est bon, l'objet est terminé. D'accord. Et j'imagine qu'au toucher, c'est aussi agréable, c'est peut-être tout doux. Oui, c'est doux, doux et pas fragile en même temps. D'accord. C'est-à-dire qu'on a bien souvent, j'ai des retours de public qui me disent, mais on a peur d'y toucher, on pense que ça va se casser. Mais non, c'est très solide. Il y a pas de raison de le casser. C'est pas un objet en porcelaine ou en verre. Si on le fait tomber, pouf, ça y est, on n'a plus rien. D'accord. Et donc justement, vous parlez de retour de gens, etc. Donc où est-ce qu'on peut, est-ce que vous organisez peut-être des ateliers, des stages, peut-être que vous assistez à des salons. Alors j'ai assisté à des salons là, ça fait deux week-ends de suite que j'ai fait cousu de fil rouge, donc c'était fin novembre. Et puis là, je viens de rentrer d'un salon qui était à Blois. D'accord. Où on ne connaissait pas le feutre. Donc on connaît bien le feutre, mais on va dire dans l'Est, encore plus loin. On va dire en Allemagne, en Suisse, Russie, Mongolie, voilà. Là, ils connaissent très très bien le feutre, ils reconnaissent et ils n'ont pas peur justement de ce matériau qui paraît fragile pour les uns, qui n'en est pas. D'accord. Et donc justement, les personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'en général, ils sont assez curieux, par exemple, comment est-ce que ça se passe, comment on fabrique ça, etc. Oui, ils aiment justement découvrir l'artisan dans son lieu de création. Ça plaît beaucoup parce que c'est vrai que c'est là où se passent les choses, quoi. Donc ils sont émerveillés en même temps et ils interrogent, ils questionnent, ils veulent toucher, voir, et c'est normal. Bien sûr. C'est normal. Donc il est 14h41, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième pause musicale, une musique un peu plus longue cette fois-ci, et que nous allons écouter c'est un titre que vous m'avez soumis et que je ne connaissais pas non plus avant que vous me soumettiez, The Night of Ulaanbaatar de Musa SG et de Lo Junong, j'espère que je le prononce bien. Voilà. Oui. J'avoue, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur ce titre, si ce n'est que plusieurs instruments qu'on n'entend pas forcément souvent sont présents dans ce morceau. Donc voilà, en tout cas, on écoute cette musique et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. donc The Night of Ulaanbaatar de Musa SG et Lo Junong sur Radio Gimozo. Vous êtes donc de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux pendant encore quelques minutes de Yasmina Benessala Drevet de l'Esprit du Feutre à Dogneville qui est là pour nous parler de l'Esprit du Feutre et de tout ce qu'elle fait. Tout est toujours bon pour vous ? Tout est OK. Parfait. Donc, même question que pour les précédentes fréquences musicales, vous êtes habitués désormais. Pourquoi ce morceau ? Pourquoi ce morceau ? Comment dire ? Ulaanbaatar est la capitale de la Mongolie. Ici, vous avez un extrait, en fait, un chant de l'environnement de la Mongolie. C'est-à-dire que chaque instrument a une signification. L'air, le vent, les plumes d'un l'oiseau, l'eau, c'est très connoté et les éléments qui les entourent sont toujours dans leur musique. C'est important de le faire vivre parce que c'est leur sens, c'est leur vie, voilà. D'accord. Et donc, du coup, on va parler un petit peu de vos projets futurs. Quels sont vos projets futurs ? Est-ce que vous avez des choses de prévues à l'avenir ? Alors, à l'avenir, 2022, ça va être aussi beaucoup d'actions, on va dire, à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être j'ai possibilité d'aller en mai, déjà pour commencer, à Rambouillet. D'accord. Donc là, ça serait, on va dire, un premier pas pour moi pour la bergerie de Rambouillet, parce que c'est vraiment là où aussi a été créée la race Mérinos. Ah oui. Oui. D'accord. Bon, mais bon, pour ma part, c'est vraiment le feutre que je vais, emmener, on va dire, des collections de feutres, d'éléments feutres, pour que le public de Rambouillet soit émerveillé par ces touches que j'aurais mises. Là, ça serait pour mai. Pour septembre, octobre, donc je vais aussi intégrer la galerie du Bailli à Épinal, seule dans cet espace. Le thème, il n'est pas encore, il est prédéfini. C'est sur les volcans. D'accord. Là, vous voyez l'année dernière. Moi, je parle déjà de l'année dernière. C'était le désert de pierre. Et bien là, je vais dans en montagne le volcan. C'est le volcan qui m'intéresse là. Donc, je vais travailler tout autour de ça. Je vais aussi partir aussi à Salins-les-Bains, donc dans le Jura, dans un château. Dans un château, là où il y aura un salon exposition avec d'autres exposants mi-octobre. Ensuite, sûrement Cousu de fil rouge, ça reviendra, on va dire, fin novembre. Et puis décembre, peut-être boutique éphémère, des journées portes ouvertes, vente privée au sein de mon atelier. Voilà ce que je pense faire pour 2022. D'accord. Une année bien chargée en perspective. oui, c'est toujours un peu comme ça, quoi. Il faut déjà savoir où on veut exposer, où sera le plus adapté aussi pour sa matière. Parce que je vais pas aller dans l'Ouest en sachant que, par exemple, géographiquement, la laine, c'est peut-être pas très porteur. Donc voilà, je me dirige quand même plus vers l'Est. D'accord. Encore. Voilà. L'Est ou Paris. Enfin, on va dire région parisienne. Aussi. D'accord. Et donc, si jamais certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent venir vous rendre visite, peut-être que ça les encouragera, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est d'être libre. D'accord. dans son action, on va dire. C'est-à-dire que même si on me passe commande sur un objet à réaliser, bien souvent j'ai carte blanche. C'est-à-dire que à moi de trouver l'essence ou d'avoir compris aussi ce que veut l'autre, de rentrer aussi dans sa personnalité pour bien comprendre ce qu'elle désire. Donc je dirais que là vraiment c'est le meilleur quand on a justement, c'est peut-être à double tranchant, mais en tout cas pour ma part j'ai jamais eu de défaite de donc non, voilà, c'est vraiment d'être maître, on va dire, de toute la création, voilà. D'accord. Et de proposer quelque chose qui vraiment plaira. Voilà. D'accord. Et donc, comme nous disons un peu plus tôt dans cette émission, les clientes et les clients peuvent vous passer commande pour fabriquer quelque chose, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles à fabriquer en feutre? Et comme ça, là, j'ai jamais eu de... Non, je pense pas. Mais à vrai dire, je n'en sais rien parce que tout est possible. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas possible? Question. C'est difficile à dire. C'est difficile à le dire, puisque pour ma part, tout est possible. Mm-hmm. Ce qui n'est pas possible, c'est vraiment des contraintes qu'on n'aura pas pris en compte. Voilà. D'accord. Les imprévus. Les imprévus. Mais si on a pris en compte l'ensemble de la fabrication, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver dans son ensemble. Donc je pense que je n'ai jamais eu cette problématique, en tout cas. D'accord. Donc nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'aurions pas abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé? Eh bien, il y a vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est que le feutre, il se nettoie. D'accord. Faut pas avoir peur, il se nettoie, mais faut respecter le matériau, c'est-à-dire qu'on ne le met pas dans la machine à laver. Si on veut le garder longtemps et avec une enveloppe jolie, il faut vraiment en prendre soin, c'est-à-dire on le lave à la main, dans une eau pas très chaude, avec un shampoing laine. Ça ne se salit pas. Ça ne se salit pas beaucoup. Donc, il n'y a pas besoin de l'emmener aussi chez le teinturier. Vraiment, un lavage simple, à la main, lui suffira. Voilà, c'est l'entretien que je préconise à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de ne pas l'entretenir correctement. Donc je dirais voilà, c'est pour moi l'essentiel, c'est voilà, vous le nettoyez comme ça, il n'y a pas de souci, vous le retrouverez intact sans problème. D'accord. Et donc justement, comme vous le dites, si on veut le garder longtemps, c'est ce nettoyage qu'il faut faire. Mais du coup, quelle est la durée de moyenne pour du feutre, s'il y en a? Il n'y a pas. En fait, si vous... Moi, en fait, c'est un objet qui peut se durer longtemps, tout le temps de sa vie, je dirais presque. Parce que si c'est pas un objet porté, donc c'est un objet... qui sera dans votre intérieur, il n'y a pas de raison qu'il se dégrade. Mm-hmm. Pour ma part, c'est à vie, quoi. Une écharpe, quand on la porte, elle est autour de notre cou, elle va s'user, normal. C'est-à-dire les frottements vont user la matière. Mais au bout de combien d'années? Très longtemps. D'accord. Donc il n'y a que des bons points, que des points positifs. Il n'y a que des points positifs pour ma part, pour justement choisir cette matière. D'accord. Voilà. Si nous voulons vous suivre et suivre votre actualité, etc., comment pouvons-nous faire? Alors, soit sur mon site, mais bien souvent sur Facebook, je poste des liens ou des informations où on peut me retrouver facilement. D'accord. Voilà, Facebook, Instagram et puis mon site font le lien justement avec tous les événements qui se produiront dans le futur. D'accord, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, de continuer, parce que c'est C'est un métier fatigant, on va dire, physiquement. Il faut être en bonne condition physique, hein, voilà. Donc c'est de continuer le plus longtemps possible, voilà. D'accord. C'est tout ce que voilà, je souhaite pour la continuité de l'esprit du feutre. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Dernier mot, c'est l'hiver, il fait beau, youpi, en tout cas le feutre est là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois, Yasmina, d'avoir accepté mon invitation malgré les petits problèmes techniques. Merci à vous. C'est très sympa. Ce sont des choses qui arrivent, les problèmes techniques. Donc voilà, cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h, avec le podcast de cette émission, posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Ah oui, je veux bien. Merci. Donc voilà, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec, je ne sais pas, je n'ai pas encore le titre sur mon écran, donc voilà, en musique. Voilà, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais dans nos locaux toujours Muriel d'ailleurs, chanteuse. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, jeudi, à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux une nouvelle fois Oriana Depuiset de la Sellerie Bourrellerie Udada à Vannier, que j'aurais déjà dû recevoir lundi dernier, normalement, le 29 novembre, mais suite à un imprévu, cette émission a été repoussée à demain. Voilà. Et si je vois le prochain titre, ça sera Feeling Good de Nina Simone. Voilà. Donc, merci. Feeling Good. Voilà. Très bien. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et du coup je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Merci.